Alors on est sur la fin de la manif de Rouen et là je suis avec Bruno. Bruno qui est un des gars qui a fait la grève de la faim l'année dernière à l'hôpital psychiatrique du Rouvray pendant 18 jours. 18 jours, oui. Ouais. Et là tu viens de faire une prise de parole pour faire un peu le point qui n'est pas bien glorieux sur le centre hospitalier du Rouvray. Oui, donc on a suite à la grève de la faim des 18 jours que l'on a fait en 2018, là, nous étions 8 camarades, voilà. Un grand mouvement c'est de solidarité donc déjà nous a bien entourés, était autour de nous. Et bon, pour en revenir actuellement, la direction ayant changé, le nouveau directeur ayant été nommé, c'est un directeur, hein, sa spécialité c'est de remettre les hôpitaux en crise soi-disant dans l'ordre, mais en fait il est passé par Lille, Évreux, Cayenne et que dalle, en fait les hôpitaux sont toujours en souffrance. Donc pour le Rouvray, à peine arrivé, il a remis en cause le protocole qui avait été signé avec l'ancienne direction devant la directrice de l'ARS de région et le cabinet du préfet. Donc ARS, c'est Agence Régionale de Santé, c'est la tutelle. Oui, Agence Régionale de Santé. Et il a remis en cause le protocole donc par rapport aux effectifs que nous avions obtenus par la lutte, par la grève de la faim. Et avec la solidarité de l'Interpro et puis des usagers. Il y a peu en fait. Nous avons eu la visite des personnes qui s'occupent des lieux de privation de liberté. Je ne me rappelle plus de la commission, le nom que ça a. C'est la LGPP, je crois. Et en fait, l'hôpital est en procédure d'urgence. Et le directeur a été sommé de faire un projet d'établissement rapide. Comprenant à la fois des embauches, comprenant à la fois une unité pour adolescents, parce qu'il faut savoir que nos adolescents sont hospitalisés dans des services adultes avec le risque que ça comporte. On a eu des atteintes aux mineurs, des atteintes, des agressions sexuelles. Il y a eu des plaintes vis-à-vis de l'établissement. Et tout ça a été écrasé, on va dire, hein, a été mis sous le tapis. Mais voilà, nous on est toujours là, toujours combatifs. On espère, cette procédure d'urgence. Est pour nous un signe que ce qu'on a mené, que le combat que l'on a mené était juste et va dans notre sens. Donc on est pleinement satisfait de ça, quoi. Mais bon, ça suffit pas. Il faut aussi que les usagers, les salariés de l'hôpital continuent de mettre la pression sur notre direction pour qu'on aboutisse enfin au plein respect de notre protocole. Et alors là, le fait que le nouveau directeur il ait osé remettre en cause un protocole qui a été signé à l'issue de 18 jours de grève de la faim de 8 personnes, ouais. C'est pour moi un symbole complètement dingue du mépris de ce gouvernement, quoi, aussi, quoi. C'est la même chose. Ah bah, de toute façon, on le voit très bien. Il a été méprisant avec nous. Il y a eu d'autres collègues dont on a très peu parlé, mais sur Bastia, des infirmières qui avaient fait 17 jours de grève de la faim. On n'en a pas entendu parler dans les médias. Mais de toute façon, oui, c'est une politique de mépris, d'arrogance aussi, hein, parce que bon, voilà. En gros, pour nous, dans notre cas, on ne savait pas compter, on ne sait pas s'organiser. Alors qu'on a du personnel en souffrance, on n'est pas en nombre pour s'occuper de patients souffrant de pathologies psychiatriques. Il faut savoir que bon, y a de la violence, il y a de tout, du désœuvrement. Les patients, on les met en cellule d'isolement pour pallier au manque d'effectifs parfois. Donc il y a quand même ouais, des gens qui ont eu des très grosses crises d'angoisse et on ne peut pas prendre le temps pour eux ou pour elles. Et du coup on les met en cellule d'isolement. Voilà, quoi. Tout à fait. Et puis au niveau du mépris, on le voit, bon, il y a eu d'autres combats aussi, hein, dans d'autres entreprises, tout ça, hein, qu'on disait de toute façon, pour rien faire, passez votre chemin. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Ah, parce que de toute façon, et puis on le voit encore maintenant, hein, on est une majorité dans la rue, et puis par rapport à la réforme des retraites, c'est comme si rien ne se passait, quoi. Donc à un moment, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent vraiment que le clash, quoi. Donc à mon avis, ça ne va pas attendre trop longtemps, parce que les gens sont à bout, quoi. Quand on voit que des salariés sont en grève depuis 38 jours, sans salaire, parce qu'ils ont foi en leur combat, et puis qu'on les méprise, qu'on les traîne dans la boue, hein, parce que soi-disant que bon, alors pour les cheminots, c'est des privilégiés, les fonctionnaires, alors là on n'en parle pas non plus, quoi, je veux dire. Il faut à tout prix que le peuple des travailleurs et des travailleuses se lève, quoi, et puis descendent dans la rue, nous rejoignent et nous aident à gagner ce combat. Merci Bruno.